dance to the fly, to the feeling of now. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On a découvert le rock avec mon prof d'anglais. Les paroles sont géniales. Ah, super ça! Et sinon, ta chambre, elle serait pas un petit peu rock'n'roll aussi? Mais papa! Pendant les vacances, Acadomia propose des stages d'anglais façon summer camp, à domicile, en centre ou en ligne. L'occasion de profiter de l'été pour progresser, où que vous soyez. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. En matière de droit de l'espace, il n'y a qu'un seul traité international qui a été ratifié par les principales puissances spatiales, c'est le traité de 1967, qui définit deux principes fondamentaux, la non-appropriation de l'espace et son utilisation pacifique. Mais depuis 1967, la course à l'espace a radicalement changé et plusieurs pays sont tentés d'écorner ce traité jugé obsolète en faisant passer des législations nationales comme le Space Act américain de 2015. Par ailleurs, le panorama orbital a lui aussi considérablement changé et des acteurs privés comme SpaceX se retrouvent les mains libres pour envoyer ce que bon leur semble où ils le veulent. 2021, faut-il redéfinir un droit à l'espace ? Espace, qui a le droit ? C'est le programme juridique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions aussi complexes, il faut le dire, que passionnantes, vous allez le voir, de droit spatial international, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mireille Couston. Bonjour. Tous. Bonjour, vous êtes professeur de droit international public à l'Université de Lyon 3 et directrice du Centre du droit des espaces et des frontières. Paul Vorer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. C'est une émission en partenariat avec nos camarades du magazine La Vie qui publie un hors-série science, Le ciel de la Terre aux étoiles. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour co-animer cette émission avec moi Isabelle Franck. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue. Mais on commence comme chaque jour cette émission par le tour de l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature qui lève le mystère sur la baisse de luminosité de Bételgeuse. Et Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. En 2019, cette supergéante rouge a subitement perdu 65% de sa luminosité. Alors ça peut être considéré comme banal, c'est une variante semi-régulière, c'est-à-dire que sa luminosité change. Mais voilà bien 200 ans que nous l'observons et nous ne l'avions jamais vu atteindre une luminosité aussi faible. Alors on a même parlé du Great Dimming, le grand assombrissement, et d'autres y ont vu des signes avant-coureurs d'une explosion en supernova. Bref, on n'expliquait pas du tout ce phénomène. Un duo de chercheurs vient de percer le mystère. Grâce à l'instrument Sphere, installé sur le VLT au Chili, l'un des meilleurs instruments au monde pour visualiser des détails, on a pu voir la surface de l'étoile en imagerie directe, sans interférométrie. Les chercheurs ont découvert que la moitié sud de l'étoile était 10 fois moins lumineuse que la partie nord. Miguel Montargès est le premier auteur de cette étude. Il est post-doctorant à l'Observatoire de Paris, dans le laboratoire LESIA. Il étudie Bételgeuse depuis 10 ans. Pendant des mois, j'ai travaillé sur la modélisation. Ce que j'ai pu conclure, j'ai utilisé deux types de modèles. Des modèles qui plaçaient un point froid à la surface de l'étoile et un autre type de modèle où, cette fois-ci, je mettais un nuage de poussière entre l'étoile et nous. Et les deux parviennent à reproduire les observations. Et en fait, on a eu des signatures des deux événements. Et la conclusion de l'article Nature, c'est que les deux événements ont eu lieu simultanément. Donc il y a eu un point froid à la surface de l'étoile qui a déclenché la formation de poussière dans un nuage de gaz qui était déjà sur la ligne de visée entre l'étoile et nous. Et le point important, c'est que le gaz, c'est transparent, mais la poussière, c'est opaque. Et donc, la combinaison de la tache froide qui fait diminuer déjà la luminosité de l'étoile, puis de la formation de poussière devant l'étoile, ça a fait qu'elle est devenue beaucoup moins lumineuse. Vous écrivez tout de même qu'il reste possible qu'elle explose sans avertissement. Effectivement, alors, ce qu'on dit, c'est que des supergéantes rouges, et même des Bételgeuse à l'avenir, on ne sait pas comment elle se comporte juste avant l'explosion. Alors juste avant, c'est la centaine d'années précédentes ou même les jours, les heures qui vont précéder. Pourquoi ? Parce que la dernière supernova qui a eu lieu dans la Voie lactée, c'était en 1604. Donc on est censé en avoir une fois par siècle, à peu près. Et là, ça fait 400 ans qu'on n'a rien eu. Et depuis qu'on a des télescopes pour les observer, plus rien. C'est là que vient le problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'observation détaillée de supergéantes rouges avant l'explosion supernova. Donc on ne peut pas dire si y a un comportement différent, une perturbation, une agitation qui va nous indiquer « attention, je vais bientôt exploser ». Cependant, il faut le pondérer parce qu'on sait que Bétalgeuse est jeune. Pour l'instant, ça semble exceptionnel, mais peut-être qu'en fait, c'est juste qu'il faut qu'on en regarde plus. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à observer. Et pour en savoir plus sur Bételgeuse, vous pouvez retrouver notre émission où nous avions consacré une heure justement suite à ces découvertes de changements de luminosité. On vient de vous mettre tout ça sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. On continue de suivre l'actualité du Covid et de la vaccination. La Chine s'apprête, Natacha, à vacciner les enfants dès l'âge de 3 ans. Oui, la Chine, qui applique la politique du zéro Covid, est en train de battre des records de vaccination, avec depuis avril 223 millions de personnes complètement vaccinées. Alors, selon les laboratoires Sinovac et Sinopharm, qui produisent des vaccins chinois, et d'après leur étude clinique de phase 1 et 2, la vaccination des petits serait sûre. À ce rythme, la Chine espère vacciner au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année, soit environ 1 milliard d'habitants. Par ailleurs, l'Inde fait face à une pénurie de doses et peine à trouver 5 milliards d'euros pour financer la vaccination de la totalité des adultes, soit 940 millions de personnes. Aujourd'hui, seuls 3,5% de la population indienne est vaccinée. Voilà, la vaccination des enfants, faut-il vacciner les plus jeunes? Avec quel risque? C'est le sujet des idées claires de la semaine dont on vous met le lien sur notre fil Twitter. Toujours en bref, Natacha, selon une étude parue hier dans la revue Nature, la plupart des rivières et des ruisseaux s'assèchent chaque année. Et des chercheurs canadiens ont réuni les données de 5600 stations de mesure du débit des rivières dans le monde. Par apprentissage automatique, ils ont pu prédire la probabilité de l'assèchement du réseau fluvial mondial. Sur les 64 millions de kilomètres de rivières et de ruisseaux cartographiés, l'eau cesse périodiquement de couler dans 60% des rivières, au moins une fois par an. Ce qui signifie que sur Terre, les rivières non pérennes sont la règle plutôt que l'exception. Ces changements des débits des ruisseaux menacent la biodiversité mais aussi les sociétés humaines. D'après les auteurs, avec le réchauffement climatique et sans une meilleure gestion de l'eau, le problème de l'assèchement des rivières risque de s'aggraver. Et pour finir, selon une étude parue dans le Journal of Association for Information Science and Technology, une équipe française a créé un outil pour traquer les faux articles scientifiques. Oui, sur le web, il existe des générateurs de textes automatiques tels que le logiciel Cygène, qui produisent de fausses études, tout en charabia, des papiers que l'on retrouve parfois dans la littérature scientifique, ce qui permet à leurs auteurs de gonfler leur CV et leur nombre de citations. Alors pour débusquer ces articles bidons, deux Français ont créé l'outil Cydetect, un logiciel gratuit qui repère des phrases grammaticales clés typiques de ces générateurs de textes. Ils ont ainsi déniché 243 articles absurdes publiés entre 2008 et 2020, parfois même dans des revues prestigieuses. Alors néanmoins, cette inconduite scientifique reste très rare. On compte environ 75 articles bidons sur 1 million. Mais cette pratique est symptomatique de la culture du « publier ou périr » et des pressions exercées sur les chercheurs. Merci beaucoup Natacha, on peut le dire puisque ça a été annoncé publiquement aujourd'hui. La semaine prochaine, oui, c'est la fin de la méthode scientifique qui prend ses quartiers d'été. Mais c'est pas tout à fait la fin de la science à 16h sur France Culture. Puisque... On prend la relève avec Antoine Beauchamp à partir de juillet, l'émission Eureka. Et qu'est-ce qui est de quoi il va être question? Ce sera de la science, mais un peu différemment. C'est de l'histoire des sciences. Mmh. C'est une heure tous les jours sur une grande découverte, une grande invention. Et on part de la découverte des microbes à l'invention des sous-vêtements. Et ben voilà, ce sera ces inventions qui ont changé la face du monde. La face du monde. Mais bon, pardon. En tout cas, Eureka, ce sera à retrouver à partir de du 5 juillet. Du lundi 5 juillet de 16h à 17h tout au long de l'été. D'abord avec vous, Natacha, puis avec Antoine Beauchamp au mois d'août. Merci beaucoup. Merci. Vous revenez demain pour le journal des sciences et de la science-fiction. C'est pas encore fini la méthode. On a encore quelques semaines devant nous. Allez, on passe à notre émission du jour. Que se passe-t-il? Eh bien, mettons, en cas de meurtre dans la station spatiale internationale, par exemple, quel droit s'applique? Quelle est le statut des humains qui partent dans l'espace. Sont-ils des envoyés de l'humanité, comme le définit le traité de 1967, qui voulait valoriser, bien sûr, la prise de risque extrême des premiers pionniers de l'espace. Mais que penser alors des futurs touristes millionnaires de l'espace? Seront-ils eux aussi des envoyés de l'humanité? Quid du booster de la fusée chinoise Long March 5 qui est retombée sur Terre avec ses 33 mètres de long et ses 25 tonnes? S'il était tombé sur des habitations, qui aurait été responsable et qui sera responsable des dommages ou des destructions liées aux débris spatiaux qui s'accumulent en orbite? Les sociétés, voire les universités ou les start-up qui ont construit ces satellites, ou les États qui les hébergent? Le seul traité international de l'espace, nous le disions tout à l'heure, ratifié par les grandes puissances spatiales, puisqu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas été ratifiés, c'est celui de 1967. Est-il totalement obsolète? Faut-il le revoir à l'aune de la transformation et de la libéralisation du secteur spatial? Retour en amont de ce traité de 1967, au tout début de la course à l'espace, nous sommes en 1960. Écoutez, ce sont les grandes conférences de la radiodiffusion française. Pendant longtemps, la question essentielle sur laquelle l'attention resta concentrée fut la suivante. Un lancement de satellite n'est-il pas contraire au droit international? Sans doute, aucun texte conventionnel, aucune règle coutumière n'interdit un tel lancement. Mais une incertitude était née du texte même de l'article 1er de la Convention de Chicago de 1944 sur l'aviation civile internationale. Cet article reconnaît la souveraineté des États sur l'espace aérien au-dessus de leur territoire et de leurs eaux territoriales. Espace aérien est, dans le texte anglais de la Convention, seul texte original, traduit par le mot « airspace ». Que fallait-il entendre par espace aérien? Comme cet article reproduit un article de la Convention de Paris de 1919, où le texte français emploie l'expression espace atmosphérique, aucun doute n'était possible. Voilà, aucun doute n'était possible. Néanmoins, on voit bien le niveau de complexité qui commence à s'appliquer lorsqu'on essaye de définir une législation de l'espace. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'espace? Mireille Cousteau, une réaction à cette archive? Oui, eh bien, écoutez, d'abord, je trouve très intéressant d'avoir retrouvé cette archive. Et on voit bien, en effet, dès le départ, l'une des difficultés qui a été posée pour les juristes, mais aussi certainement pour les techniciens, c'était la question de la délimitation entre l'espace aérien soumis à la souveraineté des États et un espace extra-atmosphérique dont on pouvait subodorer qu'il allait être libre, ce qui est arrivé un peu plus tard avec le traité de 1967. Mais on voit bien déjà, voilà, cette difficulté qui persiste d'ailleurs, puisque aujourd'hui encore, nous n'avons pas de limite officielle déclarée dans un texte entre l'espace aérien et l'espace extra-atmosphérique. Il reste donc une incertitude, en effet, entre les deux champs du droit aérien d'une part et du droit spatial d'autre part. La limite n'avait pas été fixée à 100 km? Absolument pas. La limite n'a jamais été fixée, ni dans un texte, ni dans un autre. Il y a une sorte de consensus, on peut dire, scientifique, puisque nous sommes dans la méthode scientifique, on peut l'envisager. Il y a un consensus scientifique sur le fait que, à partir du moment où un objet reste satellisé, qu'on le lance en l'air et qu'il reste satellisé, il ne retombe pas comme la pomme de Newton, mais qu'il reste satellisé, à ce moment-là, on est dans des altitudes de espace extra-atmosphérique. Si l'objet retombe, eh bien, on serait dans un espace aérien. Et on a pu se rendre compte que cette limite, cet endroit où l'objet restait satellisé, c'est une limite à 100-110 km d'altitude. Mais Le chiffre, vous ne le trouverez nulle D'accord. part. Oui, c'est tacite, ça n'est pas officiel, ça n'est pas écrit. Paul Vorer, une réaction peut-être à cette archive et finalement à ces premiers pas, à ces premières tentatives de définition d'un droit qui soit acceptable par toutes les parties, puisque on le rappelle, dans les années 60, c'est la guerre froide et on est en pleine course à l'espace. On est en pleine course à l'espace, exactement, et elle a commencé même un tout petit peu avant les années 60, à partir du lancement de Spoutnik en 1957. Il y avait déjà une réflexion à l'époque, dans les années 50, sur le statut de l'espace extra-atmosphérique par rapport au statut du droit aérien. C'est-à-dire que les Américains en particulier trouvaient un intérêt vraiment très fort à ce principe de liberté d'utilisation et d'exploration de l'espace. Et certains, pour trouver des textes en fait, qui expliquent même que si l'Union soviétique lançait un satellite avant les Américains, ce serait éventuellement, d'un point de vue purement légal, quelque chose d'intéressant pour les Américains, car ça consacrerait en fait ce principe de liberté qui serait à ce moment-là accepté. C'était en particulier très important pour des intérêts militaires, parce que les satellites d'observation ont été envisagés dès les années 40 et ils ont montré toute leur puissance et toute leur importance au cours de la guerre froide. Peut-être un mot rapide, on va reparler de ce traité de 67 et de son contenu. Est-ce que vous pensez aujourd'hui l'un et l'autre, Mireille Cousson et Paul Vorer, que le droit de l'espace aujourd'hui est obsolète, qu'il est caduque et qu'il faut le redéfinir, Paul Vorer? Je pense que c'est plutôt en fait une question pour Mireille Couston. Je vais la laisser répondre d'abord. Alors Mireille Couston, on a une heure pour y répondre, hein, mais à votre avis comme ça, de façon sommaire pour commencer. De but en blanc et de manière un peu passionnelle, je vais vous répondre que pas du tout. J'ai beaucoup entendu en effet des débats sur le caractère obsolète du traité 67. Et je ne suis absolument pas d'accord. C'est une façon, vous savez, quand son chien, on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il est enragé. Ben là, c'est un peu la même chose. On veut se débarrasser d'un traité et donc on va lui trouver tous les défauts possibles et imaginables. Or, ce traité 67, il contient des principes absolument essentiels, fondamentaux, et je crois qu'il est très important de le conserver et de l'appliquer de la façon la plus efficiente possible. Mais après, c'est une question d'application, d'interprétation. Mais le droit spatial en lui-même n'est pas obsolète. Il doit être, en revanche, je dirais, complété. Bien sûr, il y a de nouvelles règles qui doivent être inventées, il y a des nouveaux régimes juridiques qui doivent être inventés au fur et à mesure que l'on développe de nouvelles activités spatiales. Cela, c'est évident. Mais le fameux traité 67 et ce traité qui est un accord fondamental entre les deux grands finalement à l'époque, États-Unis et Union soviétique, ne me paraît pas obsolète dans ses grands concepts et finalement dans sa philosophie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc du droit à l'espace tout au long de cette heure en compagnie de Mireille Couston, de Paul Vorer et puis de ma camarade Isabelle Franck du magazine La Vie qui publie un hors-série sur le ciel de la Terre aux étoiles. Peut-être qu'on peut redéfinir alors avec Mireille Couston à nouveau exactement ce qu'il contient ce traité de 67 et pourquoi il est important et essentiel. Oui, il est important et essentiel ce traité de 67 parce que, comme vous l'avez dit au début, mais peut-être avec un ordre de priorité qui n'était pas tout à fait celui que j'aurais indiqué, il est porteur de très grands principes qui ont, je dirais, presque un caractère philosophique. Puisque le tout premier grand principe qui ressort de ce traité et qui est d'ailleurs énoncé en premier lieu dans l'article premier de ce traité, c'est le principe de liberté spatiale. La liberté d'explorer, la liberté d'aller dans l'espace, la liberté d'y développer des activités spatiales. Et ça me paraît être un principe tout à fait essentiel que l'on ne peut pas jeter aux oubliettes en disant que le traité est obsolète. De la même manière, on a un autre très grand principe qui est complémentaire au principe de liberté, qui est le principe de la non-appropriation nationale. On reviendra sur cette idée de non-appropriation nationale. Là encore, il faut faire très attention parce que sous prétexte d'obsolescence, souvent les gens ne disent que principe de non-appropriation, tout court, sans apporter le qualificatif derrière national qui est pourtant absolument primordial. Donc voilà, deux grands principes qui doivent cohabiter, qui doivent coexister et qu'il ne faut surtout pas abandonner. À cela vont venir s'ajouter d'autres très grands principes, bien sûr, celui de la responsabilité internationale des États pour les activités spatiales, Vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, un problème de fusée qui retombe sur Terre et si cela crée un dommage. Donc là, il y a un principe qui existe et qu'il ne faut surtout pas abandonner non plus. Et puis, le principe de l'usage pacifique, mais là, avec des nuances, ouais. Et il faudra modérer cela, mais Monsieur Vandeur nous en dira aussi certainement plus que ça sur ses aspects stratégiques. Justement, Paul Verheer, c'est intéressant parce que, une fois de plus, ce traité de 67, on est à 2 ans d'Apollo 11, on est vraiment à l'acmé de la compétition russo-américaine. Comment l'ONU réussit à mettre toutes les puissances spatiales pour faire adopter ce traité en 67, est-ce que du coup c'est un peu un traité à minima qui est adopté et quel est l'intérêt des grandes parties de l'adopter finalement à cette oui. époque-là? Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, pour l'anecdote, le jour même où le traité est signé et adopté, c'est l'accident d'Apollo 1 qui a tué 3 astronautes. Donc on est sur le pas de tir. Oui. Sur le pas de tir, on n'est même pas encore sur la Lune, si vous voulez. On est en pleine course à l'espace. Et effectivement, je pense qu'on peut le qualifier d'accord à minima, c'est-à-dire que tous ces grands principes qui avaient déjà été développés au début des années 60 dans des résolutions des Nations Unies, ici sont incluses dans ce traité de l'espace qui permet à tout le monde de se mettre d'accord sur des principes, mais avec lesquels ils étaient d'accord au préalable. C'est pas quelque chose qui est particulièrement contraignant, notamment sur le fait de ne pas placer des armes nucléaires dans l'espace. Mmh. En l'occurrence, on sait que stratégiquement, le placement d'armes nucléaires en orbite, en l'occurrence, n'est pas d'une efficacité militaire très importante. Ce sont des armes qui seront très visibles, éventuellement très fragiles, et les missiles balistiques intercontinentaux sont beaucoup plus efficaces pour lancer une frappe sur Terre. Donc ce type de grand principe, finalement, n'a pas réellement posé de problème. Et sur la nature effectivement pacifique de l'espace, par ailleurs, le texte est suffisamment flou, ou en tout cas l'activité d'envoi de satellites d'observation est suffisamment floue pour pouvoir continuer à avoir une activité militaire tout en la dissimulant à moitié ou sans être tout à fait clair sur la nature de ce qu'on envoie en fait. Oui, en effet. D'ailleurs, peut-être que ici, Madame Couston pourra vous donner plus de détails, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les activités militaires ont fait partie dès le départ des réflexions menées pour l'exploitation de l'espace. Comme je vous disais, dès les années 40, en 1946, il y a un rapport de la RAND qui sort et qui explique que un satellite d'observation militaire serait très important pour, dans le cadre de la guerre froide, à la fois pour cibler les installations adverses, mais également pour vérifier ce qui se passe chez l'adversaire et avoir des renseignements de grande importance. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ils ont stabilisé la relation de dissuasion nucléaire entre les deux grands pendant la guerre froide, notamment dans les accords de limitation des armements SALT. On a ce petit texte qui est un petit peu énigmatique, où les vérifications d'application des traités pourront être réalisées par des National Technical Means of Verification, des moyens de vérification technique nationaux, qui est en fait, décrit les satellites espions dont on ne voulait pas parler, qui étaient des choses secrètes, mais qui ont permis, comme ça, d'appliquer ces traités sans avoir de vérification sur place, etc. Si on avance un peu dans le temps, ce traité, il va être amendé par la suite, mais vous l'avez d'ailleurs évoqué, hein, Mireille Couston, 68, sur la qualité des astronautes ou des personnes ou des cosmonautes qui sont envoyés dans l'espace, qui ont un statut un peu à part que vous allez nous décrire. En 72 également sur les dommages et réparations en cas de dégâts causés. On arrive à l'amender et puis ça va bloquer 10 ans après en 79 avec le traité de la Lune. En effet, alors c'est pas qu'on l'a amendé, là encore il faut être prudent avec les termes. Le traité est un 367, il faut bien le comprendre, est un traité sur des principes. C'est ce qu'on appelle un traité cadre, donc il pose un cadre. Et il ne prévoit pas les détails techniques de ce cadre. Donc, il pose des grands principes qui ont été l'objet donc d'un compromis entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y a de très grands compromis et de très intelligents compromis dans ce traité. Mais évidemment, comme c'est un traité cadre, il ne pouvait pas prévoir techniquement parlant un certain nombre de choses. Il a donc été ensuite complété par ce qu'on appelle des traités d'application, hein, qui vont expliquer, mettre en place les moyens techniques, finalement, de la mise en œuvre de ces grands principes. Et donc, l'accord de 68, oui, que vous mentionnez sur les astronautes, vous avez dit tout à l'heure, voilà, c'est dans celui-ci, enfin, on sent les envoyés de l'humanité, mais ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs, oui. Sur le plan juridique. L'accord de 72, alors là, très grand accord sur l'organisation de la responsabilité pour les objets, et je vous disais que cette responsabilité, elle est absolument fondamentale, puisqu'elle prévoit que ce sont les États qui sont responsables des activités spatiales lorsque elles créent des dommages à terre ou dans l'air. Quelle que soit l'entité qui est à l'origine de l'activité, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. C'est ce qui permet aujourd'hui, d'ailleurs, vous parliez du New Space, c'est ce qui permet aujourd'hui finalement de favoriser, comme cela a été d'ailleurs le cas dans les années précédentes, de favoriser la montée du secteur privé qui, d'une certaine manière, bénéficie du parapluie juridique et financier des États en cas de dommages graves causés à terre ou en l'air, c'est-à-dire éventuellement à des avions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, le New Space, il a encore une sorte de suite tout à fait logique dans ce système où les États ont couvert finalement et couvrent par leurs propres finances, par leurs propres assurances, les éventuels dommages qui pourraient être causés par un satellite qui retombe ou par une fusée qui retombe ou tout autre chose. Et alors, puis après, on a des accords très techniques. Alors, l'immatriculation, par exemple, parce qu'effectivement, bon, mais ça, c'est assez banal. Hein. On immatricule les objets, on les enregistre. Comme ça, tout le monde sait qu'il y a un satellite qui porte le numéro temps à tel endroit. Et puis, on finit par, en effet, une espèce de queue de poisson normative qui est le traité de 1979 sur la Lune et les corps célestes. Où là, eh bien, ça y est, on est sorti de la phase du bon consensus international sur ces questions-là, et où plus personne ne s'entend sur ce traité de 79 qui n'a que je crois 11 États peut-être ont ratifié ce traité, et évidemment aucune des grandes puissances spatiales, pas même ni l'Union soviétique à l'époque, ni la Russie maintenant, ni la Chine, ni les États-Unis, ni les Européens, à l'exception française où la France a une sorte de comportement, on ne va pas rentrer dans les détails de ce comportement politique, mais qui a signé le traité et puis ensuite n'a pas ratifié. Oui. Peut-être qu'elle a rendu compte de son erreur par la suite. Paul Vorer, sur ce traité de 79 qui met la fin finalement du socle législatif collectif ou international sur le droit de l'espace et qui va d'ailleurs marquer la fin de tout puisqu'il va quasiment plus rien se passer jusqu'à ces dernières années. Alors, il se passe des choses mais on n'arrive pas à se mettre d'accord en fait, c'est un peu ça le sujet. Et l'accord sur la Lune de 79 est effectivement typique de cette époque. En fait, il avait été envisagé assez tôt au cours des années 70 quand on imaginait qu'à la suite des missions Apollo il y ait une exploitation progressive des ressources spatiales qui se ferait. Et en fait, cette exploitation des ressources spatiales est devenue un peu la pierre d'achoppement de l'accord sur la Lune. Les États n'arrivaient pas réellement à se mettre d'accord et on a vu même une opposition entre les États qui étaient des puissances spatiales à l'époque et ceux qui n'en étaient pas et qui voulaient quand même bénéficier de ces ressources spatiales. Et donc avec un partage des ressources effectuées selon des modalités qui en fait n'ont pas plu aux puissances spatiales à l'époque. Même l'Union soviétique, comme le mentionnait Mme Couston, n'a pas signé ni ratifié ce traité, probablement parce qu'il n'était pas d'accord avec certains termes juridiques de Common Heritage of Mankind, ce type de l'héritage commun de l'humanité. Voilà, l'héritage commun de l'humanité, merci beaucoup. Et c'est donc c'est un accord failli, en fait, il est considéré par certains auteurs comme un accord international failli, puisqu'en effet, aucune puissance spatiale ne l'a signé ni ratifié. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite finalement à cet accord-là. Avec, par exemple, des termes qui évoquent la répartition équitable entre tous les États des avantages qui résultent des ressources spatiales exploitées. On imagine bien qu'évidemment, ceux qui ont les puissances spatiales, qui ont le pouvoir d'aller sur un objet, parce qu'on verra que ce problème va se poser aujourd'hui, parce que tous les objets célestes ne sont pas considérés de la même façon, et d'en ramener des ressources, n'a évidemment, Mireille Couston, pas très envie de les partager avec le reste de l'humanité. Je crois que c'est assez logique. Enfin, je veux dire, ça relève de la nature humaine. Lorsque vous faites des efforts ou lorsque le premier de la classe fait des efforts, ce n'est pas nécessairement pour faire bénéficier de ses notes les autres dans la classe. Donc là, il y a quelque chose qui est relativement logique sur un plan humain. Et puis aussi sur un plan étatique, parce que il ne faut pas oublier qu'un État, ça représente une collectivité humaine, et donc l'État défend les intérêts de sa collectivité humaine. Ce traité de 79, il n'est pas failli dans le sens juridique du terme. Je veux dire par là que c'est quand même un traité qui est entré en vigueur, mais il ne fonctionne qu'entre les États qui l'ont signé et ratifié, c'est-à-dire un tout petit nombre. Hein, voilà. Il est failli politiquement parlant, finalement, ou diplomatiquement parlant, mais il n'est pas failli sur un plan juridique, puisqu'il est en vigueur, il existe. Sauf que il ne s'applique pas aux États qui ont des activités spatiales. Donc, vous voyez, il y a une différence entre l'aspect strictement juridique et l'aspect diplomatique et politique. On va faire un bond de 40 ans dans le temps en quelques minutes, le temps de la pause musicale, puisque la suite, ce sont d'un seul coup les tentatives de plusieurs pays, des États-Unis au premier chef, mais pas que, vous allez l'entendre, de réédicter des droits, des lois sur l'espace, mais de façon unilatérale. Comment faire, comment se positionner et quelle est la suite de cette législation de l'espace? On en parle dans un instant. Chasse-moi de The Ex-Virgins à 16h32 sur France Culture. Nous parlons du droit à l'espace et de ses évolutions tout au long de cette heure en compagnie de Mireille Couston, qui est professeure de droit international public à l'Université de Lyon 3 et directrice du Centre du droit des espaces et des frontières. Paul Vorer, qui est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, et ma camarade Isabelle Franck, qui est journaliste au magazine La Vie, qui sort un hors-série science, Le ciel de la Terre aux étoiles, duquel nous sommes partenaires. On va reprendre un peu bien l'évolution du droit, puisque de ces traités internationaux, Mireille Couston, on passe à des traités tout à fait nationaux, c'est-à-dire finalement une volonté bien de tirer en premier, si vous me permettez cette expression, pour que tout le monde s'aligne derrière. Et c'est un peu ce qu'ont fait les États-Unis en 2015 avec le Space Act. Oui, alors il faut peut-être là, si je puis me permettre de remettre les choses dans l'ordre et revenir sur des fondamentaux et des basiques dans la création de la règle de droit. Les seuls auteurs de la règle de droit, ce sont les États. Ils peuvent la fabriquer en se mettant ensemble, et donc ça donne des traités. Ils la fabriquent à l'intérieur de leur propre société, ça donne des lois, des réglementations, etc. Donc du droit interne. Mais les États sont les seuls créateurs de la règle de droit et ils peuvent toujours créer de la règle de droit. Or, lorsqu'ils ont établi les traités spatiaux, le traité 67 et les autres, ils ont bien prévu toute une série de compétences qui faisait qu'ils pouvaient, dans leur propre législation nationale, évidemment, mais cela relève de leur souveraineté, ils ont le droit, en effet, d'établir un certain nombre de législations. Alors, par exemple, les traités spatiaux leur demandent d'organiser les systèmes d'immatriculation, de responsabilité, les systèmes d'autorisation, de surveillance des activités spatiales. Tout ceci leur est permis et leur est autorisé par, finalement, les accords qu'ils ont passés entre eux. Passer des législations, adopter des législations spatiales nationales n'est en rien contraire au droit spatial. Ça, c'est une chose qu'il faut, là aussi, sur laquelle je me permets d'insister. Bien sûr. Parce qu'on entend beaucoup d'erreurs là-dessus. Donc, les États-Unis ont parfaitement le droit d'adopter des législations nationales. Ils ont d'ailleurs adopté une législation nationale bien avant le traité de 67, puisque c'est la première loi spatiale nationale aux États-Unis, la de 1958. En France, nous avons tardé un peu. Notre législation spatiale nationale date de 2008. Il y a eu, bien sûr, des arrêtés complémentaires qui sont venus depuis, mais nous avons une législation spatiale nationale. Et d'ailleurs, progressivement, les États, on va dire depuis les années 80, ont suivi le mouvement et tous, plus ou moins, adoptent des législations spatiales nationales, y compris dans les pays émergents, en Afrique. Je vois régulièrement des législations qui sortent, législations spatiales nationales qui sont adoptées, que ce soit dans les pays spatiaux eux-mêmes ou que ce soit dans des pays émergents. Donc, il faut bien comprendre que la législation spatiale nationale n'est jamais en violation, ne vient pas en matière spatiale, ne vient pas en violation des traités, puisque c'est tout à fait non seulement autorisé, mais c'est demandé par un certain nombre de règles internationales. Les traités spatiaux ont besoin, pour que leur mise en œuvre se fasse de façon correcte, ont besoin que les choses soient organisées au niveau national. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le fait de créer une règle de droit au niveau international et le fait de la créer ensuite au niveau national. Et surtout, il y a toujours cette souveraineté des États qui ont parfaitement le droit d'adopter les règles nationales, bien évidemment, qu'ils veulent, sous réserve qu'elles respectent, évidemment, leurs critères constitutionnels et leurs engagements internationaux également. Donc là, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut bien, sur lequel il faut bien comprendre. Ensuite, chaque État a une manière de comprendre les engagements internationaux dans lesquels il s'est engagé. Ouais. Il n'y a pas une vérité, vous voyez, il n'y a pas une vérité absolue en disant le traité a dit ça et ça, il y a une vérité, c'est cette vérité-là qu'il faut appliquer. Chaque État étant souverain, chaque État a donc la capacité d'appliquer selon son propre interprétation, le texte dans lequel il s'est engagé. Et que cette interprétation fasse plaisir aux uns ou qu'elle fasse pas plaisir à d'autres, c'est la même chose. Cela relève de la souveraineté étatique. Et la législation nationale relève de la souveraineté étatique. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à conserver à l'esprit lorsque aujourd'hui on observe, en effet, et c'est ce qui fait débat, bien évidemment, les législations américaines sur les accords Artemis, peut-être, ou la législation luxembourgeoise, ou encore dans les pays des Émirats arabes. Qui ont créé un tribunal de l'espace, qui ont des... Space Court, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a toujours l'impression dans certains articles, dans certaines positions, que il y a quelque chose qui est mal, qui est mal fait et qui est fait en violation de. Ouais. Or, c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Les législations nationales spatiales sont prises de façon tout à fait souveraine et absolument normale. C'est entendu. Une question d'Isabelle Franck. Mais il n'y a absolument rien qui se passe au niveau international. Les Nations Unies, quel est leur rôle dans tout ça? L'Union Européenne, tout est régi vraiment par le droit national. Chacun peut y aller de son initiative et ensuite essayer de jouer des accords avec d'autres États sans qu'il n'y ait, si je peux dire, aucune réglementation un petit peu globale supranationale. Alors, Alors non, Madame Cousteau me confirmera si je dis des bêtises, mais en réalité, il y a plusieurs niveaux comme ça de règles de droit dont elle a parlé. Au niveau international, il y a encore des choses qui se passent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les traités et sur les nouvelles règles à adopter au niveau international sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord pour exploiter l'espace et explorer l'espace ensemble. Là-dessus, il y a deux exemples. Par exemple, le traité d'interdiction du placement d'armes dans l'espace de 2008, qui est soutenu en fait et qui est encore soutenu d'ailleurs par la Chine et la Russie, mais qui n'a pas réussi à obtenir l'accord des Américains ou d'autres puissances spatiales et qui, résultat, reste un traité encore en embryonnaire et qui ne permet pas de se mettre d'accord. Un autre exemple, c'est le code de conduite qui a été promu par l'Union européenne, le code de conduite dans l'espace de 2008, qui lui aussi n'a pas réussi à mettre tous les partenaires d'accord autour d'un consensus sur les règles à adopter dans l'espace. Et donc, de cette manière-là, cet outil du droit international aujourd'hui n'apparaît plus effectif pour adopter de nouvelles règles dans l'espace. En revanche, il y a d'autres types de droits qui se sont développés dans l'intervalle. Il y a également tout de même, alors parce que on parlait de tout à l'heure quand je disais les Américains ont tiré en premier, j'évoquais le Space Act, Mireille Couston, mais néanmoins il y a les accords Artemis qui ne sont pas encore un traité mais qui ont tout de même été ratifiés par 8 pays. Donc on s'approche de quelque chose qui serait défini en tout cas par la vision américaine de l'espace. Alors vous savez, c'est une méthode qui est très ancienne dans la diplomatie internationale, que de faire une initiative, de proposer quelque chose et de voir si d'autres États viennent y adhérer. On l'a eu en matière maritime. En matière maritime, il y a eu beaucoup, un grand nombre de règles pourtant essentielles en matière maritime ont été d'abord des règles unilatérales qui ont été proposées par des États, adoptées unilatéralement par des États et qui ensuite, finalement se sont diffusées et ont fini par être adoptées par le plus grand nombre. Donc en matière spatiale, compte tenu de ce que vient de dire M. Voss, effectivement, comme au niveau diplomatique international, vraiment international, on n'arrive plus à obtenir une quelconque entente sur un quelconque texte, eh bien les choses, finalement, les États prennent cette technique, cette autre technique qui consiste à dire, bon, on n'y arrive pas au niveau international, donc on va essayer de le faire en partant de plus petit, c'est-à-dire on prend une proposition unique, et on la propose et on voit qui vient y adhérer. Et à ce moment-là, on arrive à faire, alors non pas des traités internationaux universels, mais il y en a très peu à dire vrai, des traités internationaux universels, mais on peut arriver à faire des traités dans lesquels on va trouver finalement les principaux intéressés. Et c'est ça qui est important, c'est les principaux intéressés. On voit bien que le traité 79, son problème, c'est qu'il n'a pas les principaux intéressés, hein, vous voyez. Donc, le fait que finalement l'idée parte d'un point et ensuite se diffuse et permet d'adhérer plus ou moins, quelques États alliés ou d'autres, hein, peu importe, c'est une technique finalement de création de la norme qui est tout à fait, je dirais, classique en matière internationale et qu'on a vu d'ailleurs dans beaucoup de disciplines, pas uniquement le droit spatial, mais comme je vous disais, le droit de la mer, mais aussi le droit aérien. Bref, il y a ça. Et d'ailleurs, on parlait des armements en matière stratégique, c'est typique. En matière stratégique, ça a toujours été ça. Il y a toujours eu un point de départ américano-soviétique et puis ensuite qui ralliait progressivement un certain nombre d'autres États. Donc c'est une technique diplomatique qui est finalement très classique et qui n'a rien d'exceptionnel dans ce que l'on voit aujourd'hui avec les accords Artemis. Qu'est-ce qu'il y a, Mireille Couston, en quelques mots, parce que j'aimerais qu'on aborde les points qui posent problème aujourd'hui dans le droit spatial dans quelques instants, mais juste en un mot, ces accords Artemis, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils changent? Alors, les accords Artemis ne changent rien, puisque de toute façon, ils portent sur la question des ressources spatiales, des ressources des corps célestes, des éventuelles ressources des corps célestes et la manière dont ces ressources pourraient être exploitées si un jour elles viennent à être exploitées. Sur cette question-là, les traités spatiaux ne comportent aucun détail. Ils ne comportent d'ailleurs même aucun principe, ni de technique proprement parlée, ni de grands principes ou de grands concepts. Donc cette législation, ces accords Artemis, et comme la législation d'ailleurs, le Space Act ou de 2015 ou la législation luxembourgeoise, amènent finalement une proposition en quelque sorte. Hein, on verra si d'autres législations suivent dans ce même sens, apporte une proposition qui consiste à dire les ressortissants américains, en l'occurrence la Sovereign Space Act, les ressortissants américains seront autorisés à aller, s'ils sont sur des corps célestes, à prospecter et à exploiter les ressources qu'ils pourraient y trouver. Voilà, c'est une autorisation d'une activité spatiale. Mmh. Et cette autorisation d'une activité spatiale, il faut bien le comprendre que ce phénomène d'autoriser, d'une autorisation nationale pour une activité spatiale donnée, elle est inscrite, elle est prévue à l'article 6 du traité de 1967. C'est-à-dire qu'on dit les États autorisent les entités privées, en l'occurrence, mais aussi les entités publiques, aux activités spatiales. En l'occurrence, ici, on est dans une nouvelle activité spatiale, donc on n'imaginait pas, évidemment, en 1967. Donc là, on autorise et on essaye de légiférer, alors avec plus ou moins de bonheur et avec plus ou moins d'entente chez les voisins ou chez certains alliés, mais on autorise une activité donnée qui est celle-ci, l'exploitation des ressources des corps. Isabelle Franck, une question. Oui, donc en fait, il suffit qu'à quelques-uns, on se mette d'accord, et puis allez hop, on y va. Les accords Artemis, il y a 8 pays qui les ont ratifiés, et il suffit que ces 8 pays soient d'accord pour qu'ils soient effectifs et qu'ils s'imposent. Les 8 pays, je le rappelle rapidement, hein, c'est États-Unis, Canada, Australie, Luxembourg, Émirats et Royaume-Uni. Et Royaume-Uni. Et pas la France, d'ailleurs. Pourquoi pas la France ? Alors, Paul Vaurer d'abord et Mireille Cousson après. Paul Vaurer. Non, mais c'est une bonne question. Ce qui est intéressant avec les accords Artemis, c'est que derrière, il y a une force de frappe quand même, d'une certaine façon, américaine, qui signifie que si vous signez les accords Artemis, vous embarquez sur le programme lunaire. Et donc, il y a la possibilité, éventuellement, à terme, de poser un astronaute sur la Lune. Et voilà, en termes de prestige international, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et donc, qui incite les États participants à signer ce type d'accord. Une belle carotte. C'est une belle carotte, c'est ça. Il est pas nécessairement contraire au droit international, étant donné qu'il fait une interprétation particulière des modalités, des grands principes dont on parlait juste avant. Il y a encore quelques questions qui se posent. Par exemple, la notion de zone de sécurité qui est évoquée dans cet accord, elle pose peut-être certaines questions. Est-ce qu'il s'agit de l'appropriation ou pas? Ça va dépendre. C'est quoi en un mot cette zone de sécurité? Les zones de sécurité, c'est l'idée d'avoir autour des bases spatiales une zone de sécurité finalement qui alors de quelle manière elle sera garantie, ça c'est encore énormément de questions, mais d'une certaine manière certains se demandent si c'est pas un coin dans le principe de non-appropriation de l'espace. Il y a aussi la notion de considérer les sites d'atterrissage des missions Apollo comme des sites historiques. Bon, ça pose quelques questions, et donc je pense qu'il y a encore certaines réticences, mais un début d'appropriation ou de nationalisation de petits coins ou de petits bouts de corps célestes, c'est une question que je pose en fait. C'est pas si évident que ça dans le contexte. Mireille Cousson, en quelques mots, parce que j'aimerais vraiment qu'on aborde d'autres problèmes qui sont liés spécifiquement au New Space. Alors, la question que madame a posée précédemment, oui, bien sûr qu'il suffit qu'il y ait en effet quelques États qui s'entendent pour organiser quelque chose au niveau multilatéral. Mais ça, c'est pas nouveau. Sur le fait de créer finalement un régime juridique pour leurs ressortissants, c'est quelque chose là aussi qui est absolument naturel. Il n'y a aucune instance supranationale qui va décider de comment on organise les activités spatiales. Aucune n'existe. Quand on regarde les choses aussi simples que, par exemple, l'attribution des fréquences, qui paraît être un domaine international, a priori, une chose commune, une res communis, l'attribution des fréquences, elle est faite au niveau national par chaque État selon sa propre réglementation. Oui. Donc, l'aspect unilatéral étonne peut-être beaucoup, mais l'aspect unilatéral est toujours quelque chose d'assez prédominant finalement en matière internationale. C'est un peu la boule de neige. Ouais. La boule de neige, voilà. On fait quelque chose et on essaye d'y faire adhérer le plus grand nombre possible. J'aimerais qu'on aborde deux choses, si vous le voulez bien, dans ce dernier quart d'heure d'émission. J'aimerais qu'on pose la question, notamment, effectivement, de ce qu'on peut appeler, certainement à tort, une forme de privatisation du spatial avec les opérateurs privés que sont principalement SpaceX et Blue Origin. SpaceX, aujourd'hui, est dans le collimateur de beaucoup de monde et de beaucoup d'astrophysiciens parce que, étant lui-même à la fois le constructeur ayant la capacité d'envoi d'à peu près n'importe quel type de satellite, eh bien il envoie sa constellation Starlink. Et on a l'impression qu'il le fait un peu, là aussi, Mireille Couston, dans une zone de non-droit, c'est-à-dire que il s'autorise à envoyer des dizaines de milliers de satellites qui, malgré les protestations internationales de toute une grande partie du secteur astrophysique, puisque ça va poser des vrais problèmes d'observation depuis la Terre, et là on a l'impression qu'il le fait effectivement avec plus ou moins protégé par la réglementation de son pays, mais en fait on a surtout un peu l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Alors, oui, j'allais dire, j'allais vous reprendre, je veux faire l'avocat de ce diable, évidemment, que tout le monde est en train de mettre, mais Elon Musk ne s'autorise pas. Lorsque un opérateur de satellite lance des satellites, c'est qu'il a posé des dossiers auprès de ses administrations, de ses régulateurs, et qu'il a obtenu une autorisation, justement. Donc, il est autorisé. Et il autorisait à niveau national parce que de toute façon, les satellites, les lancements de satellites, leur autorisation ne se fait qu'à un niveau national. Lorsque un opérateur français veut lancer un satellite ou même une constellation de satellites, il n'aura à s'adresser qu'au ministre de l'Espace en France et au CNES pour les aspects techniques. L'autorisation, c'est ce que je vous disais, c'est prévu dans le traité de 67. Autoriser une activité spatiale, cette autorisation est donnée au niveau national par chaque État, pour chaque opérateur et pour les dont ils sont ressortissants. Donc non, Monsieur Musk ne s'autorise pas. Il a forcément passé, je dirais, des stades d'études techniques, des stades d'études financières aussi, parce que la législation américaine, il ne faut pas croire là aussi que les choses soient très faciles aux États-Unis. La législation américaine est extrêmement développée, elle est extrêmement exigeante sur un plan technique. Et elle est très exigeante aussi sur un plan financier, c'est-à-dire sur la capacité financière de l'opérateur qui candidate pour envoyer des satellites. Alors après qu'on s'interroge sur l'aspect problèmes environnementaux, sur les éventuels problèmes environnementaux qui peuvent se poser du fait de la technique, qui est une technique de constellation de petits satellites, ouais. Ça, c'est une autre question. Mais vous voyez, dire il s'autorise, non, ça, bien il sûr. Ne peut pas. Déjà, d'une part, moi, j'ai pu voir des Américains passer au CNES des opérateurs français, avoir étudié avec le CNES des dossiers d'opérateurs français, je peux vous dire que c'est absolument, c'est une épreuve considérable pour l'opérateur d'obtenir les autorisations. Hein. Donc, voilà, là, il faut relativiser là-dessus. Le principe même de la constellation, ma foi, je dirais que ça, c'est des évolutions technologiques, c'est les ingénieurs qui ont trouvé ça de façon plus pratique, qui trouvent ça mieux. Je n'ai pas d'avis sur l'aspect technique de la constellation en elle-même. Paul Vorer, est-ce qu'il faut une réglementation internationale pour éviter ça? Parce que là, on parle aujourd'hui d'Elon Musk, mais enfin, il y a un projet de constellation européenne, il y a un autre projet de constellation également de Jeff Bezos. Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train d'être dans une sorte de Far West, mine de rien, avec les conditions juridiques qui viennent d'être énoncées par Mireille Couston? Alors, en effet, on a complètement changé de contexte et on a changé presque d'ordre de grandeur, en fait, avec ces envois de satellites et de méga-constellations. Je vous donne juste quelques chiffres rapides. De 1964 à 2012, il y avait un peu plus de 100 satellites qui étaient lancés par an. L'année dernière, il y en a eu 1272 et cette année, on est en juin uniquement, il y en a eu 1145. Donc on a un cadre actuel qui ne semble pas correspondre à ce nouveau type d'activité, en fait. La manière dont elles vont être régulées, c'est encore une vraie question, ça. Est-ce qu'on arrivera à avoir une régulation internationale sur le sujet, etc. Mais ça pose déjà des... Est-ce qu'elle serait possible? C'est une vraie question. Et en fait, là, il y a aussi une autre question, c'est quelles sont les conséquences si on garde le cadre dans lequel on évolue actuellement. Et en fait, le risque avec ces satellites en orbite, c'est de créer des potentiels risques de collision. On ne sait pas... on a du mal à surveiller toutes ces activités en même temps et à avoir une bonne appréhension des risques de collision. Je pense que tout le monde a vu le film Gravity où les satellites se rentrent les uns dans les autres. C'est quelque chose qui commence à effrayer la communauté spatiale. Et avec un plus grand nombre d'objets, spécialement en orbite basse terrestre, on risque d'avoir ce type d'événements qui se multiplient à l'avenir. Mireille Couston, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est envisageable juridiquement de réguler ce type d'activité-là, ou est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça peut être fait a posteriori? Et puis, dernière question, mais on n'a pas beaucoup de temps, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais qui est la question que vient de soulever Paul Vorer, qui est la question des débris spatiaux. Qui est responsable de quoi? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que ce sont les personnes? Alors, les débris spatiaux, alors je vais, excusez-moi, mais je zappe votre question sur est-ce que c'est possible de faire une réglementation internationale sur les constellations de satellites, parce que personnellement, je vais répondre par la négative en disant exactement la même chose tout à l'heure pour les traités spatiaux, c'est que les États n'arrivent plus à s'entendre. Ouais. Très bien. Donc, de toute façon, là-dessus... Ça s'est balayé. Ça serait encore plus compliqué. Par contre, sur les débris spatiaux et sur le fait de pouvoir éviter... que ces débris ne soient trop nombreux en orbite et qu'effectivement ils nuisent au développement durable de l'espace, il y a beaucoup d'actions qui ont déjà été engagées, et ce depuis le début des années 90, puisqu'en 1993 a été créé le comité de coordination interinstitution sur les débris spatiaux, que vous trouvez sous le sigle, plus communément le sigle anglais IADC. Et ce comité de coordination interinstitution, depuis 1993, réfléchit et fait naître des recommandations, mais qui sont des recommandations techniques, sur la manière de concevoir les satellites, par exemple, sur la manière... il pourra sans doute un jour faire des recommandations sur constellation ou pas constellation, justement, vous voyez, on y revient. Ce comité a jusqu'à présent eu des résultats, je dirais, excellents, dans la mesure où ces recommandations ont été prises en compte par un certain nombre de législations nationales, et je pense à la France en particulier, dans un arrêté de 2011 qui reprend des recommandations de ce comité, qui est un comité, donc je vous le disais, très scientifique, qui regroupe des agences spatiales, donc c'est pas du tout un comité politique, diplomatique, et c'est peut-être là où je dirais que le succès des prochaines normes qui pourront être édictées, c'est leur origine. À partir du moment où des ingénieurs parlent entre eux, ils parlent un langage d'ingénieur, et ils arrivent mieux à s'entendre que lorsque ce sont des politiques ou des diplomates, encore que des diplomates ça peut aller, mais c'est souvent que derrière la diplomatie il y a aussi des politiques, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc là, vous voyez, c'est un exemple parfait d'un comité technique interagence qui parvient à réfléchir à cette question des débris et à faire des propositions et des recommandations techniques pour les éviter au mieux. Évidemment, il y en aura toujours. Par contre, alors j'avais juste un point sur la question. Rapidement, parce qu'on est vraiment quasiment à la fin de l'émission, donc vraiment en deux mots. Un mot, ce qui peut relativiser le problème des constellations en basse orbite et le fait qu'elles sont très nombreuses, c'est qu'en fait les objets retombent très vite. Donc ils ne créent pas de débris très longtemps en fait. Ils retombent en poussière, ils sont brûlés assez rapidement dans l'atmosphère. Donc ça peut relativiser un peu en effet. Oui. Ça dépend de la taille et de l'orbite des satellites, hein, parce qu'il y a des satellites qui sont encore en orbite qui ont été lancés il y a 40 ans. Oui, c'est ça, au-dessus de 700... Pour conclure, Paul Vorer. Pardon, au-dessus de 700 km, on sait que les objets mettent plus de 25 ans à rentrer. Et pour information, le premier satellite français qui a été lancé en 1975, qui s'appelait Astérix, c'est toujours là-haut. Donc ces idées de éviter la création de débris, ça, disons que ça regarde un des côtés du problème. Il y a aussi le deuxième problème, qui est comment se débarrasser des débris qui sont déjà là-haut. Il y en a plus de 20 000 qui sont suivis quotidiennement par des radars autour du monde. Et c'est les plus gros qui sont suivis. Exactement. En dessous de 10 cm, on envisage qu'il y en ait plus de centaines de milliers, voire des millions à moins d'un centimètre. Donc c'est quand même un sujet qu'il faudra regarder. Et c'était un sujet d'une émission précédente dont on va vous mettre le lien sur le fil Facebook. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de la législation de l'espace. Isabelle Franck, dites-nous un peu dans ce numéro hors série science du magazine La Vie, le ciel de la Terre aux étoiles, avec une interview de Hubert Reeves, qu'est-ce qu'on peut trouver Alors, nous, on parle de l'espace, mais on va, j'ai envie de dire, plus loin, plus large. On parle du ciel en général et de la fascination que le ciel exerce dès qu'on lève les yeux au-dessus de nos têtes. Parce que déjà, c'est le rêve d'Icare de voler. Les nuages, la fascination pour les nuages, la saga de toute l'aéronautique et puis ensuite la conquête de l'espace. Alors, nous, on a fait un numéro de déconfinement. et c'est un numéro très très agréable à lire et à emmener pour son avec été. Beaucoup de choses pratiques, comment regarder le ciel, comment reconnaître les constellations, où y a-t-il des observatoires. Et on retrouve ça en kiosque hors série Science, le ciel de la Terre aux étoiles du magazine La Vie. Un mot pour vous dire, merci, c'était Audrey Galil à la technique. Demain c'est un vendredi fiction, nous parlerons de robots géants pilotés par des enfants, spécial Évangélion demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture. C'est l'histoire d'une météorite vieille de 4,5 milliards d'années, ou celle terrifiante de la momie Chachapoya, celle encore du crocodile qui mangeait des dinosaures, ou de la Vénus de l'Espugue sculptée il y a 23 000 ans dans de l'ivoire. Elles sont curieuses toutes ces histoires. 40 objets, 40 histoires qui nous embarquent loin, une coproduction France Culture et Muséum National d'Histoire Naturelle, Les Curieuses Histoires du Muséum, un podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France, dès le 7 juin.